Chapitre 7. À quelque temps de là, Madame de la Guette eut le plaisir de voir son fils aîné se marier avec une demoiselle de bonne maison. Elle apprit aussi que l'une de ses filles était recherchée à Paris par le chevalier de Saint-Hubert, qu'il avait vu dans son couvent. Ce chevalier descendait directement du patron des chasseurs, puisqu'il avait le don de guérir de la rage en touchant les gens mordus par des chiens. Il était fort pauvre, mais comme il avait touché la reine, qui craignait d'enrager, on espérait que le roi lui donnerait une pension. La seconde fille de Jacqueline, étant portée à la dévotion, prit le voile volontairement. Toutes ces choses promettaient à la mère un avenir heureux. Cependant, en peu de jours, ses biens se changèrent en maux. Saint-Hubert fut oublié du roi, et le mariage ne se fit pas. La fille aînée vint rejoindre sa mère à Gand, et comme rien ne put dissiper sa mélancolie, toute la famille qui l'aimait en fut affligée. Une troisième fille mourut chez M. Dallet. M. de la Guette lui-même prit les fièvres dans une campagne d'hiver et rendit son âme à Dieu après 4 mois de souffrance et de langueur. Enfin, pour dernier coup, et celui-là fut le plus cruel de tous, le fils aîné reçut au siège de Maastricht un boulet qui lui enleva les 2 cuisses. Tant de secousses ébranlèrent la fermeté de Jacqueline. Son caractère s'amollit par l'habitude des larmes. Elle perdit sa vivacité, sa belle humeur. Sa beauté même en fut endommagée. Une révolution aussi considérable dans son esprit et sa personne l'étonna elle-même, et souvent elle répétait que son heure dernière devait être proche. Malgré ses pressentiments fâcheux, elle eut pu vivre longtemps encore car elle avait une constitution de fer. Une aventure où elle se jeta inconsidérément mit fin à cette carrière romanesque, comme si le sort eût désiré, par amour de l'art, que Madame de la Guette mourût héroïquement. La tendresse de Jacqueline s'était reportée entièrement sur son second fils, qui était un aussi beau et brave garçon que l'aîné. Tout en craignant pour ses jours, la mère n'eût voulu pour rien au monde le détourner de la guerre et des devoirs d'un honnête gentilhomme. Elle le mit sous les drapeaux et se contentait de pleurer lorsqu'il allait au camp. Mais elle lui disait au milieu des caresses et des pleurs « Battez-vous bien, mon enfant, faites qu'on parle bien de vous et que Dieu vous préserve d'accidents. » On ne sait jamais ce qu'on doit souhaiter, tant la mauvaise fortune est habile à nous frapper par le côté où nous y pensons le moins. Ce fut dans un temps de paix, et au sein du repos, que la mort vint encore s'abattre sur cette maison malheureuse. Le petit de la Guette était, comme son père, d'une complexion amoureuse. Il avait les passions et la fougue qu'on excuse dans les jeunes gens. Il gagna les bonnes grâces d'une dame assez jolie de la ville de Gand. Cette personne était coquette et galante. Notre garçon eut plusieurs rivaux aussi bouillants que lui, quoique moins courageux. Ils le prirent en haine parce qu'il était favorisé, et ils se concertèrent pour se défaire de lui à l'italienne en l'assassinant. Le jeune homme aimait fort la chasse, et s'en allait souvent courir seul dans la campagne. On paya des estafiers pour l'attendre au coin d'un bois et le tuer. Un jour que son fils était hors du logis, Madame de la Guette fut réveillée de grand matin par un paysan qui accourait tout en âge pour lui parler. « Madame, lui dit cet homme, je suis le maître d'un cabaret de village. Il est venu hier 3 spadassins qui ont couché dans ma maison. Je les ai entendus causer entre eux d'une personne qu'ils doivent tuer ce matin. Ils ont prononcé le nom de votre fils. Ce doit être lui qu'ils attendent au détour d'un chemin. Envoyez-y du monde. Je conduirai vos gens. Ne perdez pas un instant. » Dans son émotion, Madame de la Guette voulut courir elle-même au-devant de son fils. Elle mit à la hâte ses habits d'Amazone, chargea ses armes et appela ses valets. La prudence et le bon sens voulaient qu'elle emmenât plus de monde avec elle qu'il n'en fallait pour empêcher le coup. Mais sans y songer, et par cette habitude scrupuleuse des âmes vaillantes, elle ne prit que 2 laquais bien courageux, afin d'être 3 contre 3, de même que s'il se fût agi d'une affaire d'honneur. On monta aussitôt à cheval, le paysan à la tête de la troupe, et l'on traversa par le milieu des champs pour arriver plus vite. Lorsqu'on fut au détour où le guide avait compris que le guet-apens se devait faire, on ne vit personne. Il ne semblait point, en regardant l'herbe et les buissons, qu'il se fût passé là une scène de violence. La terre n'était pas remuée comme après un combat. Le paysan ne savait plus que dire. Il pensait qu'il fallait demeurer et que les estafiers allaient venir bientôt. Madame de la Guette tomba dans une indécision mortelle. il se pouvait que son fils fût attendu dans un autre lieu, et qu'il y mourût sans recevoir de secours. Elle laissa un de ses hommes au détour du chemin. L'autre monta sur un tertre d'où l'on voyait au loin dans les champs. Elle leur commanda de l'appeler à grands cris s'il découvrait quelqu'un, puis elle s'avança pour battre les bois sous la conduite du paysan. Des pas d'hommes qu'elle trouva sur une terre molle lui firent penser que les assassins y avaient marché tout nouvellement. Elle suivit ses traces aussi vite qu'elle put. Mais une lande considérable se présenta où elle ne voyait plus la marque des pas. Jacqueline visita la lisière du bois, tandis que le paysan battait la bruyère. Enfin, elle aperçut des chevaux attachés à un arbre. Elle courut au galop de ce côté. Les trois estafiers étaient assis par terre à deux pas de là. « Que faites-vous ici ?» leur dit-elle. « Vous êtes des brigands. Remontez à cheval et allez à la ville sur le champ. » « Passez votre chemin, » répondit le chef de ces spadassins. « Nous avons affaire ici. »« Je sais ce que c'est, » reprit Jacqueline. « Vous venez pour tuer monsieur de la Guette. Mais vous ne le tenez point, je suis sa mère. »« Nous vous connaissons. » Vous êtes une vaillante. Puisque vous savez de quoi il s'agit, vous devinez bien, madame, que nous avons reçu de l'argent. Il nous faudrait le rendre, et cela ne fait pas notre compte. Donnez-nous parole sur l'honneur de nous payer 100 pistoles demain matin, et nous partons à la minute. Le marché vous plaît-il ? Les craintes et la tendresse maternelle ne purent étouffer ni la vivacité du sang, ni l'humeur guerrière de notre Amazone. Je n'entre pas en marché avec des canailles de votre espèce, dit-elle. « Songez que nous sommes trois contre vous. Prétendez-vous m'effrayer ? Mes gens sont là-bas, et je n'ai qu'à tirer ce pistolet pour les voir accourir. »« Allons-nous-en, » disaient les deux spadassins. « Un moment, » reprit le chef. « Combien avez-vous de laquais avec vous ?»« 2 seulement, mais qui en valent 6 comme vous autres coquins. »« Voilà où j'ai l'erreur. Nous ne sommes pas de ces vauriens qui volent l'argent du monde en manquant leur coup. Nous tenons à le bien gagner. Et pour preuve... Nous ferons aujourd'hui double besogne en vous tuant d'abord et votre fils après. Quant aux laquais, ce sont des poltrons. » Le bandit ajouta quelques mots dans une langue étrangère que madame de la Guette n'entendait point. Elle comprit que ces gens s'apprêtaient à l'attaquer. Une autre qu'elle lui prit la fuite sans scrupule et sans honte. Mais les instincts de nature triomphèrent encore une fois dans cette personne courageuse. Jacqueline prévint les brigands en lâchant un coup de pistolet dans le groupe. Elle en blessa un à la main gauche. Alors ces trois coquins se jetèrent sur elle et la prirent en même temps de trois côtés. Notre héroïne maniait aussi admirablement le cheval que l'épée. Elle renversa un des bandits sur le dos avec le poitrail de sa monture et fit tant de volte-face que les autres n'osaient plus approcher. Cependant, l'un d'eux courut à l'arbre où étaient les chevaux et en rapporta une espingole chargée de 12 balles. Il tira sur Jacqueline, qui roula par terre blessée mortellement. Les assassins tombèrent ensuite sur notre héroïne et furent assez lâches pour la percer encore de 5 coups de rapière. Elle résista jusqu'au dernier soupir. Le chef de ces misérables, qui l'avait achevée, raconta par la suite qu'en mourant, elle l'avait regardée d'un air si furieux et si terrible qu'il n'en avait pas dormi de 3 semaines. Ainsi périt madame de la Guette, comme elle avait vécu, c'est-à-dire intrépidement, l'épée au poing et la face tournée vers l'ennemi. Si son grand cœur ne suffit pas à la préserver de la mort dans cette mauvaise rencontre, elle eut du moins, en l'autre monde, la satisfaction de voir qu'elle avait sauvé son fils, car les bandits prirent la fuite et s'enfoncèrent dans la forêt, de peur d'être poursuivis par les gens de madame de la Guette, qui accouraient au bruit du combat. Le corps de notre Amazone fut rapporté à Gand. On lui fit un service très beau, où assistèrent le comte de Marsin, monsieur de Monterey et bien d'autres grands seigneurs. On lui éleva un tombeau de marbre, aux frais des bourgeois de la ville, sur lequel on grava en abrégé les traits les plus sublimes de sa vie et l'énumération de ses vertus. Puisse le lecteur bénévole avoir trouvé quelque délassement au récit des hauts faits de Jacqueline de la Guette et nous pardonner de l'avoir tenu aussi longtemps pour lui donner une faible idée de ce que nos pères appelaient une femme vaillante. Ainsi s'achève Madame de la Guette de Paul de Musset.